Nous, ce matin, ce qu'on veut faire, c'est regarder bien sûr à la parole de Dieu. Et je vais vous inviter tout de suite à tourner dans 1 Pierre. On va commencer par la lecture. Donc, vers la fin du Nouveau Testament. Titre Philémon, Hébreu, Jacques, 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Et je vais faire la lecture à partir du verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'approbation de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant le salut qui vous était réservé ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Et on termine avec le verset 13, puis je vais le répéter souvent ce matin. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement ou gardez votre esprit en éveil. Soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tout un texte. Alors, ce texte nous parle d'espérance. C'est comme ça qu'il conclut, après nous avoir parlé pendant plusieurs versets, et lui-même tire sa conclusion. Alors, si vous comprenez bien, ayez votre esprit en éveil, puis ayez une entière espérance dans ce qui va vous être apporté quand Jésus va revenir. L'espérance du chrétien. Trois remarques avant qu'on regarde le texte. Okay? D'abord, j'ose le dire, l'espérance est souvent une vertu. Un, c'est important. Pour l'apôtre Paul, il y a trois vertus principales, la foi, l'amour et l'espérance. Pour lui, c'est majeur, prioritaire. Mais je dois constater que souvent dans nos milieux, on parle de la foi, on parle beaucoup de l'amour, mais pas tant que ça de l'espérance. Et pourtant, ça devrait revenir et on devrait s'encourager, s'entretenir avec l'espérance, puisque c'est si important. Et Pierre le dit ici, gardez votre esprit en éveil et ayez une entière espérance. Deuxième remarque, l'espérance dont il est question ici, on parle vraiment de choses futures. Il nous parle dans le contexte ici que Jésus va revenir, qu'il va compléter à ce moment-là le salut, qu'on va recevoir notre héritage. C'est tous des termes là, qui sont employés. Alors, on parle vraiment de ce qui nous attend quand Jésus revient et ensuite pour l'éternité. Pourquoi je précise ça? Parce que dans la Bible, des fois, le mot « espérance » fait aussi référence à quelque chose, c'est toujours futur, mais d'un futur immédiat, même terrestre. Entre autres, dans les psaumes, souvent, David, alors qu'il vit une difficulté, ce qu'il dit, c'est « mais je place mon espérance dans le Seigneur pour être délivré d'une situation sur cette terre, un problème quelconque. Je m'attends à Dieu, je me confie. » C'est presque, dans certains passages, et quelques-uns du Nouveau aussi, c'est presque un synonyme de foi. Alors, des fois, l'espérance parle de quelque chose d'immédiat sur terre, des fois, là, qui s'en vient. Mais ici, c'est très clair. C'est quelque chose de futur, quand Jésus revient, ce qui nous attend pour l'éternité. Et, troisième précision que je veux faire, c'est, troisième remarque, c'est, contrairement, quand nous, on emploie le mot « j'espère », l'espérance, nous, ça a une connotation de quelque chose d'un peu incertain. « Ah, j'espère qu'il va faire beau demain parce que je vais aller à la pêche. Ah, j'espère que ça va bien aller au travail. » On espère, ça veut dire qu'on n'est pas trop sûr parce qu'il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas, puis il risque d'arriver des choses en dehors de notre contrôle. Mais dans l'Écriture, le mot « espérance » a l'idée de quelque chose de certain. Pour employer les mots de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit « c'est comme une encre sûre, quelque chose de solide ». Quand il dit « j'espère », ça veut dire « je crois fermement » et ça va arriver. Alors, ce qu'on va parler ce matin concernant l'espérance, ce n'est pas des « peut-être », des « si », on pense que, c'est des certitudes. Connaissez-vous l'avenir? Oui! Jésus revient, c'est sûr. Il y a des choses qu'on sait, on sait certainement. Oui, je connais l'avenir, je sais qu'un jour, je vais être rendu parfait à l'image de Jésus, que mon corps va être glorifié. Je sais à 100% que cette terre ne continuera pas toujours comme ça. Elle va être transformée, il va y avoir des nouveaux cieux, nouvelle terre, que tout injustice va disparaître. Oui, je suis sûr de ça. Parce que l'Écriture le dit. Maintenant, il y a plein de choses que je ne sais pas. Il va-tu faire beau demain? Ben, il n'annonce, mais il annonçait de l'orage, puis je pense qu'on n'en a pas eu non plus hier. Ça fait qu'on peut-tu se fier, hein? Les gens courent pour aller voir des gens qui disent la bonne aventure, mais on n'est sûr de rien, ces choses-là. Mais quand l'Écriture nous le dit, ça suffit. La Bible le dit, cela suffit, c'est la vérité. Alors, oui, on connaît l'avenir et c'est certain concernant le fait que Jésus revient puis tout ce qui va nous être accordé, la grâce, pour employer l'expression du texte ici, la grâce qui va vous être accordée lorsque Jésus va revenir. Et cela pour l'éternité. Vous savez, quand on conduit, il y a trois choses qu'on regarde habituellement. Tu regardes dans ton rétroviseur de temps en temps pour voir ce qui se passe en arrière. Tu regardes ton tableau de bord pour voir dans le présent ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des indicateurs, ta vitesse, le niveau d'essence ou des lumières qui flashent pour te dire que tu as des problèmes de moteur. Donc, on regarde là. Mais le plus souvent, là où on regarde, c'est quoi? En avant! Et malheureusement, beaucoup parmi nous, ce qu'on fait, c'est qu'on avance dans notre vie, puis on regarde le rétroviseur. On regarde le constamment. Puis on pense au passé, les problèmes, les situations, les difficultés, puis on est concentré là-dessus, on va faire un accident. On ne peut pas non plus être juste fixé sur le présent, à regarder les indicateurs. Bien, on doit regarder le présent, c'est certain, là. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on doit faire pour le Seigneur. Puis... Mais il nous dit ici, ayez les regards vers le futur. Ayez une entière espérance. Puis, saignez les reins de votre entendement. L'image au verset 13, c'est à l'époque pour que quelqu'un se mette à l'action, des fois pour travailler ou à la guerre, il y avait des longues robes, les hommes. Alors, ils remontaient la robe, ils saignaient, ils s'attachaient pour être prêts à l'action, pour ne pas être badrés par la robe. Et l'expression ici, qu'on n'emploie pas en français, « saigne les reins de notre entendement », ça veut dire « soyez éveillés mentalement ». Prêt mentalement. Pour être sûr qu'on comprenne, il ajoute, soyez sobre, soyez intelligent, laissez-vous pas berner par toutes sortes d'illusions que le monde vous donne. Soyez sobre, intelligent, fixé sur les bonnes choses et ayez une entière espérance. Alors qu'on conduit notre vie, ayons les regards vers ce futur-là. Sans quoi, je vous le dis, je ne crois pas qu'on peut avoir une vie chrétienne victorieuse, efficace, saine, sans avoir une pleine espérance. L'Écriture est tellement claire là-dessus. Qu'est-ce qu'on apprend concernant l'espérance ici dans le texte? Première chose, c'est une espérance au verset 3, quoi? Vivante. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour, première chose, une espérance vivante. Cette espérance-là, elle est vivante. Juste pour qu'on comprenne, laissez-moi vous donner une image. Imaginez un couple qui veut avoir un enfant. Il essaie depuis longtemps, ça ne fonctionne pas. Il espère, il désire avoir un enfant. Après plusieurs années, essais cliniques de fertilité, tout ça, tout à coup, l'épouse est enceinte. Wow! Et là, vous imaginez qu'ils vont chez le médecin, échographie, ils entendent le cœur du bébé. Ils voient le petit bébé qui bouge. Puis là, la maman, de jour en jour, elle sent que ça bouge de plus en plus dans son ventre. Vous savez la différence? Avant, ils espéraient. Ils désiraient. Maintenant, ils ont une espérance vivante. La vie est là. Ils l'expérimentent. Bien, il nous dit ici, notre espérance à nous, elle est vivante. Pourquoi? À cause de deux choses dans le texte. Un, elle est reliée à la résurrection de Jésus-Christ, qui est revenu à la vie. Jésus était mort. Il a pris nos péchés, la mort, toute la condamnation, le diable, tout ce que ça l'impliquait à cause du péché, il a vaincu, il est ressuscité, il est vivant. Il a inauguré une nouvelle phase où maintenant on a la vie éternelle. Alors, ce n'est pas juste... Pensez à Pierre. Pierre qui, qui était là du temps de la crucifixion, Pierre était là, puis il apprend que Jésus est mort. Jésus est mort. Pour lui, c'est fini, comme les disciples d'Emmaüs. Ils disaient, on espérait que ce soit lui qui soit le sauveur, mais ils n'ont plus d'espérance. Mais tout à coup, Jésus ressuscite. Et là, ça ouvre une porte extraordinaire. On a une espérance vivante parce qu'elle est basée sur la résurrection de Jésus qui est maintenant vivant. Mais non seulement ça, mais il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a quoi? Régénérer, donner une nouvelle vie en nous. Non seulement Jésus est ressuscité, ça c'est la première étape, mais il a mis la vie en nous. La régénération, la nouvelle naissance, c'est une œuvre unilatérale, souveraine de Dieu, où à un moment donné, quelqu'un entend l'Évangile et Dieu le fait naître de nouveau, met une vie en lui qui lui permet ensuite de croire, de se repentir, de vivre pour le Seigneur dans une nouvelle vie. Il y a donc trois étapes. Résurrection de Jésus. Jésus ensuite place une nouvelle vie en nous. Puis la dernière étape, c'est une vie parfaite, éternelle qu'on aura dans l'au-delà. Mais c'est pour ça qu'on a une espérance vivante. Parce qu'il y a la vie de Jésus, il y a la vie de Jésus en nous, puis qui va se concrétiser, qui va le summum, c'est lorsqu'il va revenir où là, c'est une vie extraordinaire qui nous attend. Vous avez une espérance vivante et on peut l'expérimenter. Moi, c'est ma fête aujourd'hui. 1er juillet, chaque année, je fête ma nouvelle naissance. Je me suis converti le 1er juillet 1980. Puis, gloire à Dieu, c'est lui. Mais je ne suis plus le même. Et une des choses qui me donne l'espérance, c'est que je me dis, je le sais ce que j'expérimente avec Dieu. Cette vie-là en moi, qui fait que avant quelqu'un me faisait de quoi, j'étais prêt à le tuer, à péter ses tires, n'importe quoi. Ou aujourd'hui, il y a la voix de l'Esprit de Dieu en dedans de moi qui me dit, pardonne, libère, je t'ai pardonné plus que ça, moi. Ou des fois, j'ai envie d'être découragé de la vie, de voir les événements, où il y a la voix de l'Esprit de Dieu qui me dit, je suis au contrôle. N'inquiète-toi pas, fais-moi confiance. Alors, cette vie en moi, bien, ça me donne l'espérance en disant, je sais que Jésus est ressuscité, je sais que j'ai la vie en moi, puis il y a la vie éternelle dans la dimension future qui est garantie pour nous. Donc, première chose qu'on sait, c'est une espérance vivante. C'est pourquoi, frères et sœurs, verset 13, j'ai dit, je vais vous le répéter, ayez une entière espérance. Gardez votre esprit en éveil. Rappelez-vous ce qui nous attend. Deuxième chose qu'on sait de notre espérance au verset 4, c'est qu'il l'appelle, c'est un héritage que je dis sans fin. Laissez-moi relire le verset 4. Il dit qu'il nous a régénérés pour une espérance vivante, mais tout à coup, il rajoute un autre pour. C'est quelque chose d'équivalent. C'est la même réalité dit en d'autres mots au verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc, qu'est-ce qu'on apprend concernant cette espérance? C'est aussi un héritage sans fin. Le mot « héritage », dans notre tête à nous, c'est quelque chose qu'on reçoit quand quelqu'un de proche meurt, qui nous a mis sur son testament. Il ne faut pas nécessairement penser qu'il y a toujours question de mort dans l'Écriture, parce que même Dieu a donné le pays en héritage à Israël, ou même Israël est l'héritage de Dieu dans la Bible. C'est plus l'idée de recevoir, surtout quand on parle des hommes, quelque chose qui nous est donné, pour lequel on n'a pas travaillé, pour lequel on n'a pas peiné, qui n'est pas le résultat de notre travail. C'est quelque chose qui nous est donné. Et dans ce sens-là, donc, on a un héritage de la part de Dieu. En fait, Christ est l'héritier. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout ce que Christ... et pensez à ça cette semaine-là. Tout ce que Christ a est à nous. Parce qu'on est co-héritiers avec lui. Mais le texte insiste concernant cet héritage qu'il est sûr, sans fin. On ne peut pas le perdre. Ah, j'ai aimé ça cette semaine. J'ai lu une petite phrase de John MacArthur. On croit qu'on ne peut pas perdre notre salut. Quand Dieu a élu quelqu'un, puis que la personne naît de nouveau, vient au Seigneur, croit, se repent, c'est quelque chose qui va demeurer. On ne peut pas perdre notre salut. Et John MacArthur a dit ceci. Il a dit, si on pouvait perdre notre salut, on le perdrait. Pensez à ça. Si le salut, c'est quelque chose qui se perd, on le perd tous, parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour le perdre. On est infidèle, on manque de foi, on renie le Seigneur des fois. Mais ça ne se perd pas, le salut. C'est une œuvre que Dieu commence qui va achever. Puis ici, dans le texte, il nous dit, c'est quelque chose, cet héritage, qui ne peut ni se corrompre. Corrompre, c'est l'idée de quelque chose qui est affecté par la mort. Un corps, Jésus n'a pas vu la corruption dans ce sens-là, qui ne peut être détruit par la mort, notre héritage. Il ne peut pas se souiller, c'est-à-dire qu'il ne peut pas non plus être détruit par une faille morale, une impureté morale. Souillé. Et qui ne peut se flétrir, ça veut dire qui, par le temps, finit par se détériorer, perdre son éclat. On parle des fleurs qui se flétrissent, qui perdent leur éclat, leur beauté avec le temps, qui sèchent, etc. Alors, il emploie tout plein de synonymes pour nous dire cet héritage-là, là, il ne se détériore pas, il ne diminue pas, vous ne pouvez pas le perdre. Ce n'est pas comme l'héritage de l'enfant prodigue, il a réussi à passer au travers, lui, hein? L'héritage d'Israël, dans l'Ancien Testament, Dieu leur a donné le pays. À un moment donné, ils l'ont perdu, ils ont été déportés. Puis c'est intéressant parce que Pierre dit au départ, il les appelle au verset 1, à ceux qui sont étrangers et dispersés. Il parle aux croyants. Notre héritage n'est pas ici-bas. Mais c'est l'autre côté, quand Jésus revient, et ça ne peut pas se détériorer, se perdre, diminuer. Héritage qu'on a ici-bas, toute possession, pas vrai, c'est fragile, éphémère, périssable, précaire, nos biens. On les a, on les achète, ils sentent bon, ça sent le neuf. Tu vas quelques années après, la rouille se met là-dedans, les choses sèchent, brisent, etc. Nos corps, on est en santé aujourd'hui, demain, on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive. Rien n'est sûr. Nos relations. J'ai assisté à tellement de mariages. Je vais être fidèle dans les bons, les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ben, si c'était juste la mort, déjà là, c'est pas quelque chose qui va être éternel. Mais souvent, ça finit même avant ça. Les relations, les bonnes relations qu'on a avec quelqu'un, puis pour différentes raisons, ça brise. Les organisations, même les églises, qui est une œuvre de Dieu, qui est le peuple de Dieu. Il y a des églises qui perdent leur chandelier, Éphésiens, dans l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse. Donc, des églises meurent. Alors, qu'est-ce qu'il y a de solide, de sûr, ici-bas, sérieusement, qui mérite notre investissement, notre temps, qu'on recherche les choses d'en bas? Nommez-moi quelque chose. Oui, c'est céleste quand même, mais on le sait que la seule chose sûre, c'est ce qui nous attend l'autre côté. Ben là, vous dites, Benoît, on sait tout ça. Je le sais qu'on sait tout ça. Mais on a donc de la misère à se le mettre dans le crâne. Tu sais, on sait tous qu'on va mourir. Je sais que je vais mourir. Je suis capable de vivre, rire, dormir. Ça ne me dérange pas, je vais mourir un jour. Mais on le sait et on ne le sait pas. On le sait et ça ne nous atteint pas. Hein? Mais tout à coup, je parle à mon médecin et il dit, Benoît, tu vas mourir. Oh, ben là, tout à coup, là, je suis saisi, je suis tout à l'envers. Je braille, je veux m'arracher les cheveux, Mais pourtant, je le savais, on va mourir. Hein? Mais on le sait, puis on ne le sait pas qu'on a un héritage sûr. On le sait, puis on ne le sait pas. Pierre dit, oh, ayez une entière espérance. Saignez les rênes de votre entendement, gardez votre esprit allumé, soyez sobre, mettez-vous ça dans le crâne. En même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que, on peut faire reposer ça beaucoup sur nous, mais Paul prie pour les Éphésiens, puis il leur dit, ce que je prie pour vous, c'est que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Un, il faut le demander au Seigneur, puis deux, c'est une illumination, Dieu nous fait comprendre ces choses-là. Je ne sais pas si on pouvait gager, mesurer notre niveau d'espérance, mais j'ose dire que votre fermeté dans la vie chrétienne, votre capacité de passer au travers des temps difficiles est directement reliée à votre capacité de comprendre l'espérance qui vous attend. Donc, ce matin, on s'évalue. Et ce que ma prière, c'est que Dieu nous amène, au moins si on se rend compte, c'est-à-dire que ce n'est pas une espérance si vivante pour moi présentement, ce n'est pas si ferme, d'au moins aller dans la prière et dire, Seigneur, viens me révéler cela. Je ne veux pas attendre le jour où je vais être sur mon lit de mort, puis toute ma vie, mon espérance, ça a été mon fonds de retraite, ça a été ma famille, ça a été ma santé, puis je suis sur mon lit de mort en train de tout perdre, là, parce que la mort vient tout m'enlever, ce sur quoi j'espérais, parce qu'on espère tous. Le moment où tu arrêtes d'espérer, là, tu meurs. On espère tous. Mais est-ce que notre espérance, c'est dans les choses futures ou ici-bas, dans toutes ces petites choses-là qui font notre petit bonheur quotidien puis qui font que ça vaut la peine de se lever? Mais le jour où on va être sur notre lit de mort, je voudrais être en paix, le gros sourire aux lèvres, puis dire, moi, je vais perdre des relations précieuses. Je vais perdre mon bateau. Je vais perdre mon fonds de pension. Ouais, j'en ai pas, là, mais ça fait rien. Je vais perdre, puis d'être capable, puis tout énumérer ça avec le gros sourire aux lèvres, mais dire, j'ai quelque chose de pas mal supérieur, que rien ne peut m'enlever. Et de partir avec le gros sourire. Dans ma tombe, là, mettez-moi un sourire. Un gros sourire. Quelqu'un a dit, Pierre Jules Stahl, tout sourit quand on commence à entrer dans la vie. Les plus brillantes espérances s'évanouissent à mesure que les années s'accumulent sur nos têtes. Je trouve ça intéressant. Puis surtout nous comme chrétiens. Le Seigneur le sait. Il nous permet des épreuves. Hey, mon espérance, demain je me lève, là, puis c'est mon travail. Tu sais, mon travail, ça me donne de l'argent, j'ai une valeur, je suis apprécié, tout ça. Puis... Et là, le Seigneur dit, c'est pas bon pour toi, ça, c'est pas bon. Je voudrais te donner le meilleur des travails, puis mais il faut que ton espérance soit bien ancrée. Donc, je vais mettre un petit peu de temps en dur pour ton travail, pour que tu apprennes à détourner tes yeux de là. Et comme chrétien, bien, le Seigneur, ce qu'il fait au fil des années, c'est qu'il nous enlève nos espérances qui ne sont pas solides. Puis, quand on réussit à dire, OK, c'est l'autre côté, tu dis, OK, maintenant, je peux te les redonner, tu vas pouvoir bien les gérer, tes autres espérances. Là, ils ne seront même plus des espérances, mais ça va être des choses que tu vas apprécier, que je peux te donner, puis que tu vas dire, ah, merci Seigneur, c'est bon. Puis, comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, pas de problème. On a fait une expérience avec des souris. Et on a pris des souris, on les a mis dans une espèce de bassin avec de l'eau. Puis on a mesuré combien ça prenait de temps avant que les souris se noient. Ce n'était pas des souris, c'était des rats, dans un bassin d'eau. Et ça a duré moins d'une heure. Tous les rats étaient morts. Dans le bassin de côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le même nombre de rats. Et juste avant qu'ils se noient, on les a pris et on les a enlevés. Et le lendemain, on les a remis dans l'eau, dans le même bassin. Savez-vous combien de temps ils ont duré? Ils ont duré 24 heures. 24 heures. Ça veut dire une heure, mais dans le deuxième temps, 24 heures. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y avait une espérance. Ils ont appris à dire, « Oh, hier, j'étais dans cette situation-là, puis je m'en suis sorti. » Alors, donc, finalement, quand quelqu'un lâche, pas toujours parce qu'il n'y a plus de force, c'est simplement parce qu'il n'y a plus d'espérance. Et on a besoin d'avoir l'espérance dans ces épreuves qui nous arrivent. Verset 13, « Mes frères, mes sœurs, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Troisième chose qu'on découvre dans le texte, c'est que c'est un salut imminent. Verset 5. Le « pour » est bien important. Vous avez été régénéré pour une espérance vivante. Vous avez été régénéré pour un héritage qui ne peut pas se détruire. Mais aussi au verset 5, « à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi » pour, c'est encore le même mot qui est là, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur l'espérance? Non seulement c'est une espérance vivante, non seulement c'est un héritage qui ne peut pas ni se corrompre, se souiller, ni se flétrir, mais c'est aussi un salut prêt à être révélé dans le dernier jour. C'est quelque chose qui est préparé, un salut prêt. D'abord, arrêtons-nous sur le mot « salut ». Vous êtes sauvés? Mais le salut dans la Bible, il y a une dimension présente, même passée. Moi, j'ai été sauvé, je vous le disais tout à l'heure, le 1er juillet 1980. Et de jour en jour, même la Bible emploie qu'on est sauvé, c'est-à-dire qu'il y a une dimension progressive. Le mot salut est employé comme ça aussi. Mais il y a vraiment une dimension future où le salut va être complété. C'est de ça qu'il parle ici. Ce qui nous attend, c'est que ce salut-là que Dieu a commencé, il va le compléter un jour, le terminer, le finaliser. Un salut, mais il est prêt. Le mot « prêt » ici, c'est le même mot qui est employé dans, j'ai-tu noté la référence, Matthieu 22, verset 8, où quelqu'un dit « mon repas est préparé ». Hein, quand la mère disait « hey, le dîner est prêt », ça voulait dire quoi? Bien, approchez, c'est prêt. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, c'est à vous à venir en bénéficier. Bien, notre salut à nous, là, il est quoi? C'est prêt. C'est imminent. Le Seigneur a tout préparé. Ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Il reste juste à ce qui soit révélé. Prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, il y a deux choses là-dedans. Ça veut dire que le salut, quand on dit qu'il est prêt, c'est qu'il est imminent. Puis deuxième chose, c'est qu'est-ce qui arrive entre-temps? Je vais lire la fin du verset 5. pardon, le début du verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors, le salut, qu'est-ce qui se passe entre-temps? On est gardé par Dieu. Garder ici, c'est un passif. On appelle ça dans la Bible des passifs divins, sans nommer qui est l'auteur. On fait juste le subir, nous. Il y a quelqu'un qui nous garde. Vous faites garder vos enfants, bien, vous savez que vous êtes gardé aussi. Mais c'est Dieu qui vous garde. Vous êtes gardé par Dieu jusqu'à ce salut-là, final, là, qui va arriver. Gardé par la foi. Vous êtes gardé. Alors, ça a l'idée de sûreté, de proximité. On est gardé par Dieu. On ne peut pas s'imaginer le nombre de choses. Ça vous arrive de garder des enfants? Quand vous gardez un enfant, là, imaginez-vous le nombre d'interventions que vous devez faire pour être sûr qu'il n'y arrive à rien. Un, vous avez tout le temps les yeux dessus. Deux, quand il fait une niaiserie, il est prêt à mettre un couteau dans la prise de courant, il est prêt à se jeter dans la piscine, il est prêt. Vous êtes là, vous intervenez, vous l'arrêtez, vous... Hein, pas vrai? Vous imaginez-vous le nombre d'interventions que Dieu fait dans votre vie pour vous garder jusqu'à ce salut final? C'est pour ça qu'on est sûr d'être sauvé. Pas à cause de moi. Moi, je passe mon temps à m'acheter dans la piscine. Non, t'sais. Mais Dieu nous garde. Gardez. Mais par la foi. Par la foi. Et l'espérance puis la foi, bon, il y a trois vertus. Je disais tout à l'heure amour, foi, espérance. Mais dans le texte ici, au moins à trois reprises, on a le mot foi ou croyez. Au verset 5, au verset 7. Au verset 8, l'espérance doit être saisie aussi par la foi. C'est ça notre difficulté. Hein? On le croit-tu? Hey, on le croit-tu vraiment qu'il y a un monde extraordinaire qui nous attend? Que le monde actuel, il est très passager. Il va être détruit par le feu. Qu'il n'y a rien à retirer ici de valable. D'éternel, c'est tout est en Dieu, tout ce qu'on peut recevoir comme valeur fondamentale, solide, ça vient de Dieu. Par la foi, de le croire. Gardez par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Quatrième chose qu'on apprend, c'est un sujet de joie immense. Regardez comme fout le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Qu'est-ce qui fait notre joie? Bien, le fait qu'on a un héritage vivant, qu'on a une espérance vivante, qu'on a un héritage qu'on ne peut pas perdre, qu'on a un salut qui nous est préparé et qui va nous être révélé à un moment donné. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. C'est le cas? Puis, plus loin, c'est au verset 9. Il dit, c'est pas au verset 9, où il parle d'une joie ineffable. Et glorieuse, parce que vous, oui, c'est au verset 8. Vous l'aimez en qui vous croyez en lui sans le voir, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Quand on saisit cette espérance-là, automatiquement, ce qui est lié, c'est une joie. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 12, réjouissez-vous en espérance. Hein? C'est là ce qui fait votre joie. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur cette espérance? C'est que c'est un sujet de joie extraordinaire, merveilleux. Mais il ajoute, mais, quoique maintenant, puisqu'il le faut, puisqu'il le quoi? Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et pour résultat, la louange, etc. Il y a un monde entre les deux. Notre joie glorieuse, inaltérable, tout ça. Entre-temps, oui, il y a des tristesses. Ça veut dire qu'à la fois, vous êtes des joyeux tristes ou des tristes joyeux, je ne sais pas, il y a les deux. Mais il y a un monde entre les deux. Une joie ineffable, glorieuse, extraordinaire. Mais il y a des tristesses aussi, pour un peu de temps. Il le faut. Mais, question, auquel vous regardez en premier? vos tristesses passagères, qui sont réelles, là, je ne veux pas sous-estimer. C'est dur la vie, pas vrai? Il y en a des durs, on en passe des vertes puis des pas mûres. C'est la réalité, c'est pas facile. Mais croyons ce que l'Écriture dit, c'est quand même quelque chose de des légères afflictions du temps présent, quelque chose de passager. C'est une chose, c'est là, mais il y a la joie de l'héritage. Et si on n'a pas la bonne perspective, on va s'écraser, on va s'écrouler. Sur quel vous mettez les yeux? Sur lequel vous mettez les yeux? C'est pas dur, je vais vous le dire. Celui que vous parlez le plus. De quoi vous parlez? Sais-tu ce qui m'attend? Sais-tu ce que Jésus me prépare? Sais-tu ce qui s'en vient pour moi? Ou, je regarde dans le rétroviseur, sais-tu ce qui m'est arrivé? Hein? Sur lesquels on médite? Sur lesquels on médite le plus? Ah, ce qui m'attend, Jésus a dit, il n'y aura plus ni larmes, ni pleurs, ni souffrance. Je vais le voir face à face. C'est ça que je médite ou je médite, hey, sais-tu ce qu'il m'a fait, lui? Qu'est-ce que je vais y répondre la prochaine fois que je le vois? Ah, l'espèce, puis... Hein? Sur laquelle on médite, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on a? Mes frères, mes sœurs, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera accordée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Soyez sobres! Gardez votre esprit en réveil. Arrêtez de vous mettre toutes sortes de choses dans la tête, de perdre du temps avec ça. Oui, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à nos problèmes et les difficultés, mais c'est sur quoi l'accent de notre vie? Là-dessus, c'est rien que ça qu'on a dans la tête, puis on peut être à moitié fou. Hein? Sur quoi tu te concentres? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu anticipes? Qu'est-ce que tu anticipes? Ouf! Je te dis que ça ne sera pas drôle les prochaines années parce que là, je regarde ça, mon fonds de pension, le fond est bas pas mal. Puis, hein? Qu'est-ce que tu anticipes pour le futur? Où tu te dis, Jésus a promis, en tout cas, mon espérance sur la terre qui est là pour voir à mes besoins, mais l'autre côté, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 5. C'est une récompense de louange. Regardez le verset 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Qu'est-ce qu'on apprend concernant cette espérance-là? Il nous attend une récompense de louange le jour où Jésus revient. Suivez bien ce que Pierre est en train de dire. Il dit, tu as des épreuves. Le mot, c'est difficulté. Tu endures ici-bas. Mais ça amène, il emploie encore le mot épreuve de votre foi, mais dans l'original, c'est un autre mot. C'est le mot approbation, certification. Alors, il t'arrive une épreuve, un test, puis tu passes le test par la foi. Et Dieu dit, yes, ça c'est une foi réelle, authentique. Donc, épreuve, mais qui permet l'authentification de ta foi. Et une foi authentifiée, ça c'est précieux, plus précieux que l'or périssable. Et elle va avoir pour résultat quoi? La louange, la gloire, l'honneur quand Jésus va apparaître. Ouvrons une parenthèse, il y a deux interprétations parmi les commentateurs. Est-ce que la louange, c'est Jésus qui va la recevoir de nous? Louange, gloire, honneur à toi Jésus, parce que tu m'as donné la foi et tu m'as gardé. Ou c'est la louange que Jésus va avoir à notre égard? La foi va avoir pour résultat, la louange, Jésus va dire, c'est bon et fidèle serviteur. On passe au vote. C'est lequel le meilleur? Moi, je crois que c'est le deuxième. Moi, je trouve que ça fait plus de sens. Mais mon meilleur interprète qui s'appelle Don Carson croit le contraire, ça fait que je n'oserais pas me mesurer à lui là, trop, mais je l'ai toujours interprété comme ça, puis j'ai écouté ses arguments, ça ne m'a pas convaincu, mais je crois. De toute façon, les deux sont vrais. On s'entend-tu? Que le jour où on arrive dans la présence du Seigneur, ailleurs on nous dit aussi qu'il y en a qui cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité dans Romains. Puis un peu plus loin, ça nous dit, chapitre 2, verset 7, « L'honneur est pour vous qui croyez aussi. » Donc, puis il y a des passages qui disent que Jésus va être glorifié dans ses saints le jour de son retour. Donc, les deux sont vrais. Mais je veux quand même insister sur celui-là. Donc, tu passes un temps difficile, dis-toi que ce que Dieu est en train de faire, c'est de t'affermir puis de certifier ta foi. Et tout à coup, tu as passé au travers, tu es encore attaché au Seigneur, tu es humilié et tu comptes sur lui, mais tu as resté ferme, attaché à lui. Bien, ça, c'est toute une assurance. Et ça, quand Jésus revient, là, il va dire, louange, honneur, gloire. C'est spécial parce que nous, on met un gros accent sur le service chrétien que le Seigneur va récompenser. Et c'est vrai, c'est là dans l'Écriture. C'est-à-dire que la personne qui va avoir travaillé fort, gagné des âmes au Seigneur, il est parti missionnaire en quelque part, il a servi dans l'Église fidèlement pendant des années, puis le Seigneur va lui dire, bon, fidèle serviteur. C'est vrai, ça, l'Écriture l'enseigne. OK? Mais elle enseigne aussi que vos épreuves, que par la grâce de Dieu, que vous résistez par son action, par son Saint-Esprit dans votre vie, ça aussi va vous rapporter des louanges de la part du Seigneur. Comme il a dit à Job, moi je m'imagine, hey, mettons, hey, imagine un jour il dirait, as-tu remarqué mon serviteur Benoît, je vous à peine le dire, il est fidèle, il tient ferme, j'ai en envoyé des vertes puis des pommures. L'église de Victo, ouf, les dernières années, as-tu remarqué mon église là-bas, ce qu'elle a vécu? Ben, les gens sont encore là le dimanche en train de servir, s'attacher au Seigneur, donner des offrandes, le louer avec joie. Wow! Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Une récompense de louange que cela va nous apporter. Je termine juste avec le dernier point, c'est un sujet d'intérêt particulier. L'espérance chrétienne, là, c'est un sujet d'espérance, d'intérêt particulier de la part de trois groupes. Verset 10, il nous parle des prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Encore tous les mêmes mots qui apparaissent, grâce, quelque chose qui nous est réservé, ont fait de ce salut, encore le même mot, l'objet de leur recherche, de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels même les anges désirent plonger leur regard. Il dit, cette espérance-là, ce salut que Dieu vous donne, puis qui va résulter dans un héritage, c'est une espérance vivante, c'est un salut futur que rien ne peut vous enlever, c'est un concert de louanges qu'il va avoir. Bon, tout ça. Il dit, les prophètes dans l'Ancien Testament, pourtant il y avait plein de choses qui pouvaient s'intéresser, mais c'était ça, là, il était fixé là-dessus, eux autres, à savoir c'est quand, c'est, comment ça va se produire, c'est quoi. Eux, c'était l'objet de leur recherche puis de leur investigation. C'est ce qu'il nous dit. Et ça leur a été révélé que, bon, ils parlaient de la mort de Jésus, puis de la résurrection, puis toute la gloire, bien, ça n'allait pas se passer de leur temps, c'était pour un temps futur. Puis c'est arrivé de notre temps. Nous, on en a particulièrement bénéficié. Mais vous réalisez que les prophètes de l'Ancien Testament, là, eux avaient leur regard là-dessus. Ça veut dire qu'eux, qui étaient là bien avant nous, puis qui avaient moins de détails que nous, ils checkaient ça eux autres, puis ils disaient, wow! Puis nous, on a tout ça sur un plat d'argent, puis tout est clair, puis on ne prendrait pas le temps d'approfondir cela. Puis ensuite, il dit, il y a un deuxième groupe. Il y en a d'autres aussi qui vous ont annoncé ces choses par le Saint-Esprit envoyé du ciel. C'est tellement précieux ce que vous avez que Dieu a suscité une armée de prédicateurs pour vous annoncer, pour nous annoncer ces choses-là. Il voulait tellement être sûr qu'on les comprenne qu'il a même envoyé son Saint-Esprit envoyé du ciel pour qu'on les saisisse. Un deuxième groupe, il y en a qui ont donné leur vie pour qu'on ait ce message tellement important. Puis troisièmement, il dit même les anges désirent plonger leur regard là-dedans. Ça veut dire que les anges qui sont au ciel, c'est pas moi, je les imagine, à cause des Haïssis, ils sont devant le trône, puis ils se cachent la face tellement Dieu est grand, tout ça, mais il y a un petit œil qui rouvre, puis il regarde en bas, puis il dit, je veux savoir c'est quoi l'espérance, c'est quoi qui se passe avec ces chrétiens-là, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec eux? Il regarde ça. Il désire plonger les regards. Alors, tout ce beau monde-là, là, eux autres, ils ont les regards fixés. C'est pourquoi, frères et sœurs, saignez les reins du printemps. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui va vous être apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que Dieu nous aide devant tellement de choses que le monde nous offre pour mettre notre espérance, notre joie, notre raison de vivre. On est inondé par la publicité, puis tu n'as même pas besoin d'avoir des fois la publicité, juste voir les choses se passer autour de nous. C'est des appels constants, on veut notre intérêt, on veut qu'on s'investisse dans toutes sortes de choses. Il faut être fait fort. Non, je me reprends. Il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu, il faut être croyant, il faut être attaché au Seigneur pour être capable de résister et d'avoir une espérance vivante, un héritage tellement clair à notre tête, un salut tellement impressionnant, puis qu'on ait la même attitude que ces prophètes, ces prédicateurs qui ont emmené l'Évangile, que les anges qui veulent regarder à tout cela. On va terminer en priant, alors je vous invite à participer. Demandons au Seigneur de nous donner une espérance de plus en plus ferme et réjouissons-nous dans ce qu'on a dans le Seigneur. Alors, prions, puis les musiciens vont s'avancer un peu plus tard.